sont, y'a des gens qui t'allument. Moi, je suis de Marseille, essaye. Tu veux m'éteindre, essaye, essaye. J'ai le fils de l'homme, mon frère, je reconnais le gratteur sur la selle. Je te sens dire au bar plus qu'un zéro. J'ai peut-être dit bonjour à un tiro. Mon rêve, c'était d'être connu en faisant trembler son tiro. Tu ne calcules pas, mon cœur déchire. C'est pas ma faute si t'as pas eu ce que tu désires. Lâche la peur avant la douane. Jalousie des autres flics parce que les petits faisaient du fric. J'ai plus, j'hésite, t'as plus ton équipe. J'suis en zone pépite, j'lâche un sourire au vide. J'ai levé le dum-dum, ils m'ont tous porté l'œil. J'ai matité le dum-dum, est-ce qu'il sera là à mon deuil? Trop d'hypocrites, trop qui profitent. Tu penses sur mon pote que tu le mets en photo de profil. J'te rappelle quand j'te chalais, quand j'étais là, quand tu chalais. Quand t'avais personne avec qui te caler, maintenant c'est toi qui vas te le caler. Lâche la peur avant la douane. En fumette, les yeux fermés. Avant la douane, ils te fouillent, te mettent à poil. Y'a rien là, tu peux fouiller. Le penchant est caché dans les cheveux. Lâche la peur avant la douane.